Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Salut les yéyés, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Benjamin Habitant. L'histoire du phénomène yéyé commence par un grand concert donné en juin 1963, place de la Nation, par l'émission Salut les copains, qui entend ainsi fêter son premier anniversaire. Le concert est gratuit et c'est Jacques Martin qui anime la soirée. Se succèdent sur scène des chanteurs jeunes et inconnus, Daniel Gérard, Franck Alamo, Les Chats Sauvages, Richard Anthony, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Salut les copains est lancé en 1962 par Franck Thénault et Daniel Filippacchi. C'est l'époque du rendez-vous des jeunes à 17h30 sur Europe 1, qui est aussi à l'époque la radio des jeunes. Une époque où, au lycée, les cours de récréation ne sont pas mixtes, où les garçons doivent avoir les cheveux rasés derrière les oreilles, où les filles sont interdites de pantalons. Une époque où apparaissent les premiers transistors et tourne-disques. Cette génération 1963 chasse les chanteurs dits à texte, ceux des caves de la rive gauche, les Brassens, Brel ou Mouloudji. Mais que se passe-t-il en cette année 63 pour que la jeunesse se mette à se trémousser sur des chansons et des musiques si légères? Faire comme si on s'essuyait les fesses avec une serviette de bain tout en écrasant une cigarette avec le pied, bien c'est ça le twist. Une définition qui en vaut une autre. Alors pour mieux comprendre cette époque, continuons cette liste, véritable inventaire à l'après-verre, des mots, des idées, des titres qui ont marqué cette année-là. La génération du baby-boom, bien sûr, la fin de la guerre d'Algérie, Marche tout droit de Claude François, Le Flirt, Jean Seberg, Dans un bout de souffle, Lucky Luke, Pilote et Spirou, La réclame, Le Flirt, Les blousons noirs, Le Tepas pour écouter les 45 tours, quoi encore, Bob Dylan et John Baez, Les Beatles, bien sûr, H, Tête tendre et Tête de bois, Albert Reisner, Le Flandria Ultrasport, Le Feuilleton, Thierry Lafronde, Le Vélo Solex, Le Hit Parade, Nous les garçons et les filles, L'écume des jours de Boris Vian, Le robot Charlotte Moulinex, Les jeudis à ne pas aller en classe, l'assassinat de Kennedy le 22 novembre et, le 31 décembre 1963, le général de Gaulle inaugure la maison de la radio. J'ai gardé cet événement mondial pour la fin. Pour nous aider à explorer ces années 60, nous recevrons dans la seconde partie de l'émission Gérard de Cortanze, auteur d'un superbe livre, véritable roman de la génération yéyé, intitulé « Laisse tomber les filles », c'est aux éditions Albin Michel. Mais pour l'instant, la fiction, nous sommes un an avant 1963, donc en 1962, et pour être précis, en octobre, à Palaiseau, dans un pavillon de banlieue. On entend dans le poste le début de « Salut les copains ». Salut les yéyés, de Jean-Pierre Tiercelin. Octobre 1962, Palaiseau, un pavillon de banlieue. Les cargos russes chargés de missiles poursuivent leur route vers Cuba. Qui peut vraiment dire si nous ne sommes pas à la veille d'un nouveau conflit mondial? À Rome, les travaux du Concile Vatican II semblent avoir pris leur vitesse de croisière. Enfin, la rentrée des classes a fait le plein cette année. En effet, de nombreux élèves récemment rapatriés d'Algérie sont venus grossir les effectifs. Et ce soir, avec leurs nouveaux camarades, ils iront peut-être à l'Olympia, où Johnny Hallyday, pour la toute première fois, a donné rendez-vous à tous ses fans pour un spectacle où le visuel tiendra, paraît-il, une place très importante. C'était le flash offert par Rejanette, la laque qui fait briller vos cheveux comme une pierre précieuse. Avec Rejanette, on dirait que vos cheveux attirent la lumière. Rejanette, la nouvelle laque, présentée en Topmatic pour 5 nouveaux francs seulement, 3,50 francs la recharge. Entre. C'est bon? Elle est pas là, ta mère? Mais entre, je te dis. Salut les copains, va commencer. On est tranquille, c'est le jour où elle va à Paris. Avec la voisine, elles font du shopping aux Galeries Lafayette. T'en as mis du temps? Mais moi, je pédale, mon vieux. C'est pas comme toi, j'ai pas de Solex. T'es vraiment pas sympa, t'aurais pu m'attendre. Mais je vais pas passer tout mon temps à te remorquer dans les côtes. Déjà qu'il a fallu semer les autres à la sortie du lycée. Et pour un peu, on allait rater l'émission. Ouais, sans sas. Allez, monte le son. Pas trop quand même. Bah, puisque ta mère est pas là. Bonjour, ici Europe numéro 1. On devrait quand même vider nos cartables sur la table. Comme ça, si elle arrive, on pourra faire semblant de faire nos devoirs. Si tu veux. De toute façon, faudra bien les faire, les devoirs. Ouais, mais pas avant d'avoir entendu le chouchou de la semaine. Salut les amis. Tiens, justement. Tout va bien. Sans plus attendre, on commence par le chouchou de la semaine. Celui qui pulvérise toutes les ventes des Super 45 Tours. Celui que vous attendez tous et toutes. Mesdemoiselles, voici Claude François, qui vous trouve toutes belles, belles, belles. C'est parti. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Ah non, mais ça va pas, pourquoi tu baisses? On n'entend plus rien. Bah c'est pas une grosse perte. Claude François, c'est même pas du rock. C'est de la chanson pour Minette. Tu devrais te regarder dans une glace, t'as bonne mine. Belle, belle, belle. Ouais, bah, et toi, quand tu fais Oh Daniela, ma vie n'est qu'un jeu pour toi, c'est du rock peut-être? Parfaitement. Eddie Mitchell, c'est un rocker, un vrai, comme Johnny, comme Dick Rivers et les Chats Sauvages. C'est du rock français, si tu veux savoir. Ouais, bah n'empêche que Dick Rivers, il quitte les Chats Sauvages. Il a raison. Il voulait pas bosser, alors dit qu'il en a eu marre. J'ai lu ça dans François de mon père. Mais lui, Dick, je suis sûr qu'il va faire une grande carrière. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Mais ça, c'est What I Said de Ray Charles. Bien vu, petite tête. Mais lui, il l'a adapté en français. Parce que c'est un rocker français. Tu me suis? C'est pas comme l'autre. Si. Quoi, si? Bah, Belle, Belle, Belle, c'est adapté d'une chanson anglaise. Made to Love, c'est les Everly Brothers qui la chantaient. Je l'ai lu dans Salut les copains. Tu me suis, grosse tête? Ouais, ça va. Attends un peu que j'achète une guitare. Depuis le temps que t'en parles. Mais qu'est-ce que t'attends? J'attends que Thierry, il me vende la sienne. Quand il aura fini de massacrer Jeux interdits du matin au soir. C'est déprimant à la longue, hein. Salut la frangine. Salut Gilou. Alors, la guitare, c'est pour quand? On n'en peut plus d'attendre. Il va racheter celle de Thierry. Ça, c'est une bonne idée. Pour ce qu'il en fait. Mais après, le futur rocker, va falloir t'entraîner. Sinon, tu seras jamais prêt pour la surpatte géante qu'on va faire dans le garage. Surtout qu'il y aura tous les copains de ma classe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça va. Une petite année de plus, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça peut faire toute la différence. Va falloir t'appliquer si tu veux être à la hauteur. Enfin, à défaut de guitare, t'auras toujours la banane. Oh, mais ça colle! Ma parole, t'as vidé le tube de Gomina? Mais arrête! Arrête, mais Annie, t'es complètement folle! Je suis tout décoiffé! Mon pauvre vieux avec cette tête-là, ils te laisseront jamais entrer au golf, Drouot. Tiens, t'as une glace derrière la porte. Tu peux te refaire une beauté. Allez, marque bien le cran avec ton peigne, voilà, comme ça. Bon, maintenant, Eddie, il n'a qu'à bien se tenir, hein. Oh! Par contre, Eddie, il n'a pas de bouton sur le nez. Tu veux que je te le perce? Non, mais ça va pas. Mais laisse mon nez tranquille, si tu crois que ça m'amuse. Oh, alors laisse-moi t'aider. Je peux te passer de ma lotion si tu veux. François, il en met. Hein, mon petit frère, que t'en mets? Si tu pouvais m'oublier, ma grande sœur, ça serait vraiment formidable. Comme vous voulez. Mais je vous dis, vous avez intérêt à vous faire beau si vous voulez que je vous accompagne au golf Drouot. Hein? Bah quoi? De toute façon, papa donnera pas l'autorisation si je n'accompagne pas mon petit frère. Il pourrait faire des bêtises. Bon, je vous laisse. Je vois que vous avez des devoirs à terminer. Dis donc, François! C'est toi qui as piqué mon Tépaz? Ton Tépaz? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il est là, le Tépaz. T'as un nouveau disque? Pourquoi? Ça t'intéresse? Moi, ça m'intéresse. Bon, moi, je suis pas sûre que ce soit ton genre, hein. Vous êtes un peu trop jeune pour apprécier. Bah, sois pas vache, fais-nous voir quand même. Bon, si vous insistez. Françoise Hardy? Mais elle est super! Ah, tu trouves? Oh, je suis contente que tu l'aimes. Allez, on le met. Fais attention, hein. Je viens de l'acheter avec mon argent de poche de la semaine. J'ai plus un radis. Je vais devoir taper mon petit frère. Sûrement pas, ma vieille. Si tu fais la vaisselle tous les soirs, tu pourras te renflouer. Oh, on voit que c'est pas toi qui t'y colle. Moi, j'ai commencé à ranger le garage. Et je peux te dire que c'est pas de la tarte. Mais grâce à moi, on pourra faire la surboom. Ok? Bon, alors, on le met, ce disque? Tous les garçons et les filles. En plus, c'est un beau slow. Hein. Oh, tu veux? Bah, c'est pas la peine de rougir. Allez, quoi, viens. Bah, surtout, vous gênez pas pour moi. Hein. Bon, bah... Moi, je vais regarder les devoirs. Et, du coup, je garde le transistor. Décembre 1962, Paris, le Golf Trouot. Entrez les jeunes, vous êtes les premiers. Soyez pas timides. Je suis pas timide, je suis juste un peu essoufflée. Mais vous êtes... Oui, Henri Leproux, pour vous servir. Oh. Barman et modeste créateur du Golf Drouot. Oh, ce que je suis contente. Je suis déjà venue, vous savez. Enfin, je suis venue une fois. Mais mon frère et son copain, c'est la première fois. Ils n'arrêtent pas de se regarder dans les grands miroirs de l'escalier. Il est sacrément haut, votre escalier. Oui, 40 marches. Ça donne le temps de vérifier sa tenue et de se donner une contenance avant d'entrer dans la cage aux fauves. Mais ce soir, personne ne vous mangera. C'est plutôt calme. Salut les garçons. Dites donc, vous êtes chic. Tu vois que vous avez mis le costard et le pape. Entre nous, j'ai un peu insisté. Mais le résultat n'est pas trop mal. Oh, ils ont même mis des chaussettes noires. Allez, montrez vos chaussettes. C'est qui les musiciens? Oh, ils déménagent. Les loups-garous. Ils ont débuté ici l'année dernière au Golf Drouot. Deux semaines après leur passage, ils signaient leur premier disque pour festival. Ah, c'est eux. Je leur ai même écrit une chanson. Cocktail Boom. Mais là, ce qu'ils jouent, c'est Twist à la balle. Exact. Je vois que j'ai affaire à un connaisseur. C'est sympa de les voir revenir. Mais au golf, on y revient toujours. Ce soir, on a aussi les Rebelles et les Guardians. Et demain, les deux Danny. Danny Boy et ses pénitents. Puis Danny Logan avec les Pirates. Mais demain, c'est la soirée tremplin. Ce sera bourré à craquer. Il faudra faire la queue jusque sur le trottoir. Ce soir, la caissière est au repos. Allez, comme on a deux petits nouveaux, on va faire une entrée pour trois. Oh, un nouveau franc pour trois consos. Qui dit mieux? C'est gentil, merci, merci monsieur. Beaucoup. Merci monsieur. Merci. Je crois qu'on va prendre trois coca, d'accord les gars? Oui, avec trois pailles. Très bien. Voilà. Merci. Alors, ça vous plaît? C'est formidable. C'est encore mieux que sur les photos de Salut les copains. Derrière la scène, là, c'est les panneaux dessinés par l'oncle Chris? Oui. Eddie Cochrane, Gilles Vincent et notre Johnny National. Il vient toujours, Johnny? Je vous crois. C'est le fidèle d'entre les fidèles. Il n'oublie pas qu'il a débuté ici avec ses copains de la Trinité. Chris, Danny, Eddie Mitchell. Ah. Eddie, il travaillait juste en face, au Crédit Lyonnais. Ah oui? Si Johnny est libre, il est bien capable de passer demain en fin de soirée. Oh, ça serait super. Mais on n'aura pas la permission deux jours de suite. En plus, on habite la banlieue, il faut pas qu'on rate le dernier train. Et Eddie, il passe aussi? Eddie, il fait son service militaire. Mais il passe quand même de temps en temps. Sauf qu'il a dû réduire sa tignasse, ça le fait râler. Mais la tienne, elle est pas mal non plus. Toi, je suis sûr que tu aimes le rock. Je me trompe? Tu joues de la guitare? Oui, j'ai commencé depuis peu. Oh, il est timide, mais il se débrouille très bien, vous pouvez me croire. Je vous crois. Eh bien, dès que tu le sentiras, viens donc nous montrer quelque chose à une soirée tremplin. C'est tous les vendredis, la porte est grande ouverte. Ces soirs-là, tout le monde se mélange, les débutants comme les vedettes. Tu me diras, il y a des vedettes qui ont débuté il n'y a pas plus de deux mois. T'as quel âge? 15 ans. C'est juste l'âge qu'avait Dick Rivers quand il a fait son premier disque avec les Chats Sauvages. Tu vois, tous les espoirs sont permis. Alors je compte sur toi, ok? Ok. Tu sais, j'ai créé ce lieu parce que dans notre société, il n'y avait rien pour les jeunes. Mais alors, rien. C'était comme s'il n'existait pas. Les nouveaux rythmes sont arrivés, le rock, le twist. Et maintenant, tout le monde ne parle que des jeunes. À la radio, partout. Même la télévision avec Albert Reisner qui vient enregistrer H tendre et tête de bois. On rate pas une émission, même si ça fait rouspéter mon père. Tâchez de venir un jour. Comme ça, ton père y verra sur son petit écran. Mais quand ils sont là, c'est un sacré bordel. Vous verriez ça? Il y a des câbles partout, on ne sait plus où se mettre. Mais il faudra bien faire attention à ne pas vous faire récupérer. Récupérer? Comment ça? Quand un jeune passe ici au tremplin et qu'un directeur artistique vient lui signer un contrat pour enregistrer un disque la semaine suivante, je suis content pour lui, bien sûr. Mais je ne voudrais pas que vous deviniez des produits qu'on utilise et qu'on jette quand ils ne rapportent plus assez. Il en vient beaucoup ici, des directeurs artistiques? En ce moment, ils se multiplient comme des petits pains. Une vraie meute de chasseurs à l'affût. Tenez, Claude Carrère, ça vous dit quelque chose? Le producteur de Sheila? Vous le connaissez? Et Sheila, vous la connaissez aussi? Forcément, je la connais, puisqu'elle a débuté ici il y a deux mois. Oh, et c'est vrai qu'elle vendait des bonbons sur les marchés avec ses parents? Tout ce qu'il y a de plus vrai. Elle chantait très bien et à plein poumon. Alors, la petite Annie chancelle, elle a monté un groupe avec ses copains, les Guitar Brothers. Ils sont venus chanter ici, au Golf Drouot, et ça a très bien marché. Et Claude Carrère? Claude Carrère? Il travaillait à deux pas d'ici, aux éditions Raoul Breton. Lui, il voulait à tout prix devenir producteur. Il cherchait une jeune chanteuse inconnue pour produire un disque. Alors je lui dis de venir les écouter. Et il les a engagés? Enfin, il a engagé Annie et il a laissé le groupe. Il l'a mis sous contrat, il lui a mis une jupe à carreaux et l'a coiffée avec des couettes. Et comme il lui fallait une chanson tout de suite, il a repris la chanson qu'il avait donnée à Lucky Blondeau. Sheila! Jolie petite Sheila, jolie petite Sheila, c'est toi qui as pris mon cœur. Ouais, c'est ça. Je disais que l'amour ne durait jamais lorsque je t'ai rencontré. Moi, je préférais la chanson chantée par Lucky Blondeau. Il a une belle voix chaude, un vrai crooner. Mais pas rock'n'roll pour un sou. Oh. C'est pas faux, mais ça ne l'a pas empêché de vendre des millions de disques. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Sheila? Il fallait lui trouver un nom, il a pris celui qu'il avait sous la main. Moi, je trouve ça assez nul comme procédé. Oh, arrête de jouer les justiciers. N'empêche que maintenant, elle va devenir une grande vedette. Elle va gagner beaucoup d'argent et elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Une grande vedette, ça, c'est probable. Il est en train de lui faire écrire une série de tubes qui vont faire un malheur. Elle va faire des tournées, des télés. Mais quant à faire ce qu'elle veut et gagner des millions, c'est une autre histoire. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il empochera l'argent. Elle sera salariée et elle fera ce qu'il lui dira. Et si un jour il crée une marque chez là, avec un fan club, elle dira partout, avec un grand sourire, que tout ça est merveilleux. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, ça va, toi, hein? Allez, faut pas que ça vous empêche de vous amuser. Et prenez soin de votre rocker. Je veux l'entendre bientôt. Au fait, tu t'appelles comment? Gilles. Mais moi, je changerai pas de prénom. T'as raison, mon garçon. Allez, en attendant que ça se remplisse pour les loups-garous, allez donc faire chauffer le jukebox. Un Seaburg. Oui. Une belle bête comme ça, vous n'en verrez pas tous les jours. Wouah, sans sas. C'est autre chose que celui du café du lycée. Et voilà pour amorcer la mécanique. Amusez-vous. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Du dernier disque de Johnny, enregistré en anglais à Nashville, au Locomotion. Ah oui, Locomotion. La nouvelle danse qui veut détrôner le twist. Super, merci monsieur. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur le coup. Allez, venez les gars, en piste. Je vais vous montrer. Allez, suivez-moi. Vous voyez, c'est tout ça, c'est une suite Twitter marchande. Allez, les poules, les roches. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, monsieur le prou. Bravo, les jeunes. Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser, tous le locomotion. Avril 1965, Palaiseau, un soir à la salle des fêtes. On dit que les jeunes de France n'aiment pas la poésie. Mais de l'Alsace en Provence, vous aimerez la vie. Et là, vous danserez avec des roses. Et là, vous gueulerez. Quelque chose, Nazim Hikmet. C'est beau, non? Oui, je pensais pas que j'allais aimer. Attendez, on va lui parler. Monsieur Henri Gougaud? Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on voulait vous dire que... Enfin, que... On a vachement aimé votre tour de chant, voilà. Merci de votre spontanéité. Elle me va droit au cœur. On ne vous connaissait pas, mais comme c'était programmé par la MJC, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Et... Et ça nous a plu. J'en suis très touché. D'autant que vous avez sûrement l'habitude d'écouter autre chose, non? Vous, vous êtes plutôt rocker, non? Oui, je m'y suis essayé. Mais maintenant, je préfère écouter les groupes anglo-saxons. J'aime bien vos musiques. Et vos textes aussi. Ils sont forts. Je connaissais pas ce poète. Nazım Hikmet, c'était un grand poète turc. J'ai voulu modestement lui rendre hommage. Il est mort en prison? Non. Il est mort libre, mais en exil. Il a passé plus de 15 ans en prison. Ce soir, il n'y avait pas assez de monde. C'est vraiment dommage. Vous passez où d'habitude? À l'Olympia ou à Bobino? Ni l'un ni l'autre. Moi, j'appartiens plutôt au monde du cabaret. La logique voulait qu'on passe un jour du cabaret au music hall. Mais maintenant, à quelques exceptions près, ces salles nous sont fermées. Ah bon? Pourquoi? Le monde de la chanson a changé. Tout est devenu commercial. Il faut produire des tubes et des idoles. Vous voulez dire que c'est la faute des chanteurs qu'on écoute sur Salut les copains? Non, ce n'est pas la faute des chanteurs. Et vous avez bien raison d'écouter ce qu'il vous plaît. C'est un système qui s'est mis en place, une sorte de rouleau compresseur. Certains chanteurs d'avant la mode yéyé ne s'en remettront jamais. Les yéyés, c'est surtout les parents qui nous appellent comme ça. Nous, on n'en a rien à faire de leurs étiquettes. En fait, vous savez que c'est à un philosophe que vous la devez, cette appellation? Un philosophe? Oui, Edgar Morin. Il avait écrit 2 articles dans Le Monde après la fameuse fête de la nation il y a 2 ans. Ah, nous, on y était à la fête de la nation. Oh, c'était génial, ils étaient tous là. Sylvie, Johnny, Daniel Gérard, Dick Rivers, Richard Anthony. Ils sont arrivés dans le panier à salade des flics pour traverser la foule et monter sur le podium. Un vrai délire. Et le lendemain, on s'est fait traiter de tous les noms par les parents, avec interdiction de sortie pendant 2 semaines. Tout ça à cause des journalistes qui s'étaient passé le mot pour raconter qu'il y avait eu des émeutes épouvantables et qu'on était tous des blousons noirs. C'est leur obsession, ça, les blousons noirs. Mais nous, ce soir-là, on n'a jamais vu de bagarre ni de casseurs. On s'est juste bien amusés, c'est tout. Je le sais bien, et c'est pour ça qu'Edgar Morin a voulu prendre la plume pour vous défendre. Il a aussi tenté d'expliquer que la jeunesse d'aujourd'hui étouffe littéralement et qu'elle rêve d'autre chose. Il a l'air drôlement bien, ce philosophe. Je vais en parler à la prof de philo. Et vous chantez dans quel cabaret, alors? Remarquez, moi, j'y suis jamais allée. Mon oncle, il m'a raconté qu'il avait vu les frères Jacques et Juliette Gréco à la Rose Rouge. Oui, mais moi, je n'ai pas connu cette époque. Je chante à la Contrescarpe, à la Colombe, à l'Écluse. Oh, l'Écluse! Je connais le nom. C'est là où chante Barbara. Oh, je l'adore. Oui, et maintenant, elle chante ses propres chansons. Elles sont magnifiques. L'Écluse, j'y ai fait mes classes comme elle. D'abord, on chante en tout début, puis en second, en troisième, et puis, un jour, on fait la dernière partie. En vedette. Si on veut. Mais ça n'empêche pas de faire plusieurs cabarets par soir si on veut gagner un minimum. C'est pas trop dur? Si. D'ailleurs, je ne continuerai pas longtemps. J'ai la chance d'être chanté par d'autres comme Ferrat ou Gréco. Le monde des cabarets commence à s'éteindre. Et moi, je ne me reconnais pas dans l'industrie musicale qui nous envahit. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Écrire. Écrire de belles histoires. Ça, j'en ai grande envie. Moi aussi. J'aimerais bien écrire, mais je ne sais pas encore quoi. Ce n'est pas grave. Ne te pose pas trop de questions. Écris. Et puis, faites surtout ce que vous avez envie de faire. C'est l'essentiel. Oui, bien sûr. Merci, mes amis, d'avoir été là ce soir. Maintenant, je sais pour qui je suis venu chanter à Palaiso. Alors, on se dit à bientôt. Oui. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur Gougo. Au revoir. Au revoir. Comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Mars 1967, sur la route entre Palaiso et l'aéroport d'Orly. T'as bien fait d'avoir ton permis en même temps que ton bac, toi. Elle est chouette, cette Dodosh. Je l'adore. Ouais, elle est bien vaillante. Même si elle broute un peu. Et ton père, il a été sympa de te la donner. Je suis pas sûr que le nôtre fasse la même chose. Non, ça, y a pas de danger. Alors, il en a racheté une autre ? Oui, une 404 Peugeot. Oh. En Algérie, on avait une vieille 203 qui bichonnait comme une relique. Quand on a débarqué en France, pour lui, c'était la honte de rouler en deux chevaux. Bah, moi, elle me va très bien, ta deux pattes. On va pouvoir faire des super virées. Alors, on va à Orly ? C'est bien ce qu'on a dit à maman, non ? La pauvre, ça avait l'air de lui faire envie. Du coup, elle s'est crue obligée de me chanter « Moi, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit son vol. » Beko, il a une cote pas croyable avec les vieux. Par contre, j'espère que t'as pas dit « on allait ensuite ». Quoi ? On va où après ? Surprise ! On lui dit ? On va au bus Palladium. Ouais. Génial. On va jerker à mort. J'adore. Mais on risque pas de rentrer à pas d'heure. Oh. Mais t'es grand maintenant, petite tête. Faut te faire une raison. Et puis tu sais bien que les deux chevaux, ça crève souvent. Mais tu préfères peut-être rentrer tout de suite à la maison pour continuer à écrire. Oh, ça va. On peut écrire et faire la fête. C'est pas incompatible. À propos, tu as fini ton article pour le journal de la fac ? Pas encore. Tu charries. Et si tu veux, je te passe mes notes sur la guerre du Vietnam, tu feras ça mieux que moi. T'es vraiment gonflé. Moi, faut que je finisse l'article sur Nanterre. Nanterre ? Oui, les garçons qui sont rentrés dans la résidence des filles. C'est bien, mon frérot. Mais t'as pas peur de te faire censurer ton papier ? On verra bien. T'as raison. Et puis à force de censurer, tout ça pourrait bien finir par leur péter à la gueule. Ah, tu crois qu'on y arrivera ? À quoi ? À refaire le monde comme on en a envie. Même en volant... Je n'aurai pas le temps, pas le temps. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, c'est trop peu pour tant de cœur. Hé, moi je vous dis, peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais on va essayer quand même. On n'en peut plus de ce carcan. On va quand même pas vivre comme nos parents, non ? Non, nous on veut autre chose. T'as bien raison. Tu sais que t'es de plus en plus beau avec tes cheveux qui poussent. Et bientôt, ils seront plus longs que les miens. Et tu ne dis rien sur ma chemise à fleurs. Je suis vexée. Oh, vous êtes superbe, garçon. Prêt à conquérir le monde. Hé, si on en profitait ? Si on profitait de quoi ? On va bien à Orly. Oui, on va se boire un verre sur la terrasse en regardant les avions, comme d'hab. On va faire mieux que ça. Si on le prenait, l'avion. Si on prenait l'avion pour San Francisco, ça vous dirait ? Hein ? Oui, je suis sûre que ça vous dirait. Allez, top là ! Top là ! Top là ! Hey, mais on commence quand même par prendre un verre. Hein. Allez, c'est parti, mon Kili. Wouhou. On accélère. Chauffe, ma belle, chauffe. Si vous allez à San Francisco, vous y verrez. Tu n'as plus ces verres que j'aime bien tous les hippies de San Francisco. Affaires sensibles, Salut les yéyés de Jean-Pierre Tiercelin. Avec Mélissa Barbeau, Loïc Renard, Martin Loisillon, Olivier Ruidavet, David Lafort, Aurélie Miermont, Théo Combi-Lemaître. Et les voix de Camille Pellissier et Cécilia Dassonville. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Cédric Châtelus, Claire Levasseur et Lucas Vaillant. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher. Réalisation, Benjamin Habitant. Assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, la nouvelle vague, nouvelle vague. Trois mignonnes approchent fort bien balancées, elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos trois pépères soudain tout éveillés par cette nouvelle vague. Pas belle du tout. Oh, ça c'est un sacré coup. Allez, frère, on leur paye un coca. Moi je fais la grande blonde. moi je prends la petite roue. Et les gars, n'oubliez pas Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Faut pas grand chose pour faire connaissance. On boit, on pose, on rit, on danse. Mais faut garder cette indépendance de la dans leur bagnole sous un réverbère, lisent leur canard d'un air très fier. Nouvelle Vague, Nouvelle Vague. Et dans ce canard, qu'est-ce qu'on y lit? Des tas d'histoires écrites par des gens racis, donnant des coups de griffe, pas avec des billes sur la Nouvelle Vague. Croyez au yéyé? Et comment? Quelle différence peut-il y avoir entre une chanson yéyé et puis une chanson basée sur un rythme de jazz? Que l'une se vend et l'autre non. C'est la seule définition, la seule différence. Que l'une plaît et l'autre non. Et pourquoi est-ce que l'une plaît et l'autre non? Parce que le français est anti-jazz. Vous croyez? Oui. Tous les jeunes sont anti-jazz? Oui. C'est votre opinion? Le jazz n'a aucune répercussion en France. Est-ce que vous croyez qu'on ne reviendra pas à la chanson française? Non, on ne revient jamais à rien. Est-ce que fait Brassens, par exemple, alors? Est-ce que fait Brassens, c'est entré dans les normes. On cite toujours Brassens pour avoir bonne conscience. Tous les petits jeunes disent oui, mais, j'aime bien Brassens. Et avec ça, ils croient avoir tout dit. Et les petits jeunes qui aiment de préférence Johnny Hallyday? Eh bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, ça les amuse. Qu'est-ce que c'est la chanson pour vous? Ben, c'est un moyen de s'adresser aux jeunes et même aux adultes, enfin, pour les distraire. C'est un moyen de s'exprimer, d'avoir des rapports avec les jeunes. Pour moi, ça me distrait. Est-ce que vous êtes yéyé? Non, absolument pas. J'aime beaucoup les Américains, enfin, mais j'aime aussi, en point de vue français, j'aime bien Jacques Brel. Il y a vraiment, il faut qu'il y ait un texte. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas les jeunes yéyés comme Johnny Hallyday et tout ça, parce que je trouve qu'ils n'ont absolument rien à dire, ils répètent 50 fois la même chose. Maintenant, je crois qu'on a tendance à faire de la bonne chanson. Est-ce que vous pensez que le yéyé, ça va se terminer? C'est déjà un peu terminé, mais enfin, ça sera, s'il rend un se dégradant. Bientôt, on n'entendra plus parler. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui. Saluez Yéyé, notre invité, Gérard de Cortance, écrivain, éditeur, auteur du livre « Laisse tomber les filles » chez Albin Michel, un livre qui évoque précisément la période des Yéyés. Bonjour Gérard de Cortance. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, membre de l'Académie royale de littérature française de Belgique et éditeur chez Albin Michel. Vous avez reçu le prix Renaudot pour votre roman historique Assam. Vous avez écrit plus de 80 livres. Mais aujourd'hui, vous venez nous expliquer le phénomène yéyé avec votre dernier livre qui s'appelle Laisse tomber les filles. Alors, c'est un roman, hein, c'est une histoire, l'histoire de quatre personnages. Donc peut-être rapidement nous présenter ces trois garçons et cette fille. Car il s'agit de cela, trois garçons et une fille. Exactement, trois garçons amoureux de la même fille et qui représentent chacun une image de la société française de ces années-là. On va les suivre pendant 50 ans de leur existence. C'est un roman, vous savez, qui fait un peu penser à ces films italiens « Nous nous sommes tant aimés ». Film choral, les fameux films choral. Voilà, où nos meilleures années. Nos meilleures années, évidemment. On suit vraiment une génération avec ses espoirs, ses tristesses. C'est les gens qui se perdent, qui se retrouvent. Il y a un côté, c'est les films de Lelouch, vous savez, avec une caméra à l'épaule, et on les suit dans leur quotidien. Donc cette histoire commence le 22 juin 1963, lors de ce fameux concert de La Nation organisé par Salut les copains, dont je parlais dans l'introduction de l'émission, et se termine le 11 janvier 2015, jour de la marche nationale contre le terrorisme, après les attentats à Charlie Hebdo et les pères Kacher. Pourquoi ça se termine ce jour-là? Quel est le rapport historique? Mais en réalité, ce sont des gens qui font partie de cette génération qu'on appelle les baby-boomers, donc qui sont nés dans l'immédiate après-guerre, entre 45 et 55. La fin de la guerre, on pense que la liberté, la démocratie sont définitivement acquises, sont revenues. C'est la fronde des Trente Glorieuses, il y a une sorte de futur, d'avenir commun. C'est un projet collectif. Les années passant, on va un peu vite là. On arrive en 2015 et qu'est-ce qu'on fait? On descend tous dans la rue pour défendre ces valeurs qui sont les nôtres, ce mode de vie qui est le nôtre et qu'on pensait absolument acquis en 45. Et je voulais parler de cette courbe-là. Alors c'est un livre, comment dire, il y a un côté bulle de champagne, c'est drôle, ce sont des adolescents, ce sont des gens qui dansent, qui chantent. Mais en même temps, ces gens vieillissent, et au fond, la question qu'on peut se poser, c'est au fond, à quoi tout cela a servi, si c'est pour 50 ans après, défiler pour défendre ces valeurs-là? Donc ça se termine moins bien que ça n'avait commencé. C'est moins qu'on puisse dire. Pourquoi ce titre « Laisse tomber les filles » ? Alors c'est le titre d'une chanson chantée par France Gall. Je doute qu'elle l'ait composée, donc je dis « chantée par France Gall ». C'est pas la plus... Enfin voilà, hein. Pourquoi cette chanson-là? Alors, c'est une chanson, paroles et musique, Gainsbourg. Tiens donc. Gainsbourg qui est plutôt misogyne. Ouais. Et qui écrit une chanson totalement féministe. C'est vrai, c'est intéressant. Totalement, c'est-à-dire que si on écoute bien la chanson, c'est une jeune fille qui dit à son copain, écoute, si tu continues à agir comme tu agis avec nous... Elles te largueront après, tu te retrouveras seul. Ah, tu te retrouveras seul. Il faut que tu changes, donc il y a une modernité extraordinaire dans cette chanson. J'ai bien capté ça, c'était plutôt du point de vue musical que ça me paraissait un peu basique. Mais en fait, puisque vous me parlez de Gainsbourg, c'est intéressant parce qu'on parle des yéyés. Et on a entendu Gainsbourg s'exprimer tout à l'heure dans une archive. C'est-à-dire qu'il y a un côté marketing dans les yéyés. C'est l'industrie du disque qui lance des petits jeunes qui comprennent pas toujours ce qu'ils chantent. Vous avez un Gainsbourg qui, lui, est un très grand musicien, top niveau des musiciens, donc qui n'est pas un yéyé, mais qui travaille pour les yéyés. C'est-à-dire qu'il est dans les deux sphères en même temps. Mais je vais vous dire, en fait, quand on avait 15 ans, 12 ans à cette époque-là, on achetait ces disques. Les paroles étaient assez mauvaises, la musique n'était pas très bonne, les orchestres ne jouaient pas très bien. Mais c'était une façon de s'opposer à nos grands-parents et à nos parents, comme nos parents l'avaient fait avec leurs parents lorsqu'ils étaient azous. C'est-à-dire que la musique swing des années 30-40, pendant la guerre en France, c'est une musique qui s'oppose totalement à celle écoutée par la majorité des adultes de l'époque. Donc nous, enfants, moi je n'aimais pas particulièrement Johnny Hallyday, France Gall, mais ça emmerdait, il n'y a pas l'autre terme, tellement mes parents de me voir écouter ça, que j'en écoutais. Mais, comment dire, en sous-main, qu'est-ce que je faisais? Ma mère me tricotait des pulls de toutes les couleurs absolument horribles. Je les échangeais contre des disques de jazz, un ami qui, lui, adorait mes pulls, et moi j'adorais les disques qu'il piquait d'ailleurs dans la discothèque de son père. Donc à l'époque, je n'écoutais pas tellement les yéyés, sauf pour emmerder mes parents, mais en revanche, je me constituais une discothèque de disques de jazz grâce à ces pulls si laids que me tricotait ma mère. Bon, alors, puisque on ne pouvait écouter ça juste pour emmerder ses parents, est-ce qu'on peut parler de contre-culture ou et en même temps de culture de masse? Je suis tombé sur un article de l'époque dans Le Monde, et alors le journaliste écrit, à ce moment-là, « Si l'on considère le texte des chansons, on y retrouvera les thèmes essentiels de la culture de masse. » Non, alors ce qui est vrai, il y a une... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique latine, et notamment sur les tangos. Et les chanteurs de tango vous disent, les tangos, les chansons disent toujours la vérité. Et c'est vrai que, au fond, si on, ce que j'ai fait pour écrire le livre, on réécoute en boucle 150 ou 200 titres, on s'aperçoit évidemment que ça en dit beaucoup, enfin ces textes-là, qui sont pas des beaux textes, mais en disent beaucoup sur l'époque. Sur la vie quotidienne aussi. Mais bien entendu, c'est-à-dire vous avez tous les objets de la vie quotidienne qui sont là, vous avez tous les rapports entre les garçons et les filles qui sont là. Quand Sylvie Vartan chante ses enfants, ses copains qui ne reviendront pas, c'est pas des copains qui ne reviendront pas parce qu'ils l'ont quitté, c'est des copains qui sont à la guerre d'Algérie et qui ne reviendront pas parce qu'ils sont morts dans la guerre d'Algérie. Ouais. Et donc c'est une demi-phrase hein, dans une chanson, mais vous voyez, ça en dit très long sur l'époque. Lorsque Johnny Hallyday adapte le pénitencier, eh bien le pénitencier, il le transforme en prison. House of Rising Sun. Mais en réalité, au départ, on sait très bien que c'est pas une prison, que c'est un bordel. Mais on ne va pas faire chanter par Johnny Hallyday, dont le public sont des jeunes gens et des jeunes filles qui ont entre 10 et 12 ans, une chanson sur les bordels. Donc on adapte. Et ce qui est intéressant, moi je trouve dans ce mouvement, c'est... Pardon, excusez-moi de vous couper. Oui. Enfin, on adapte, on pille aussi. Enfin, The House of Rising Sun par The Animals, c'est quand même d'un point de vue de la musique quand même très puissant, très beau. Mais bien sûr. Et quand on entend le pénitencier, c'est gentil, mais enfin, il y a du pillage là-dedans. Il était temps de rendre justice à la création et à l'art, et dire qu'il y a du pillage. Mais c'est totalement pillé. Il n'invente absolument rien. Ouais, mais c'est tellement drôle en même temps, tellement, tellement léger. Et puis, c'est très court, les yéyés, c'est 4-5 ans. Ouais. Ils vont être très vite balayés. Et ça, c'est intéressant comme phénomène. Ils vont être très vite balayés par le protest song, c'est-à-dire Bob Dylan, John Baez, qui ont eux-mêmes ne vont pas être balayés, mais vont être remplacés provisoirement par les Beatles, par les Stones, par les Kings, par tous ces groupes anglais qui vont remplacer la chanson américaine. Et on arrive très vite. Là, si on traverse le temps, on arrive très vite à 68. Et ce qui est intéressant, c'est que cette génération qui consommait, la génération de l'immédiat après-guerre, baby boomers, c'est la consommation, eh bien, elle ne veut plus consommer, elle brûle le drapeau américain, et elle crée 68. Les yéyés balayés. On va inventer un mot. Hein. On se retrouve. Non, mais c'est une époque formidable. C'est une époque formidable. Bien sûr que c'est aussi une époque formidable. Gérard, elle a plein de charme, c'est ça. Mais bien sûr. Peut-être pas trop l'intellectualiser, elle a du charme qui nous saute à la figure quand même. Hein. C'est le charme de l'adolescence. Ouais, c'est vrai. Gérard de Cortance, on se retrouve dans 3 minutes. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras. Diras. Tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Par toi. Où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée. Les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé. Rêver que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour à mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels il faut que je sois la plus belle. La plus belle pour aller danser. Pour aller danser. la poubelle pour aller danser. Gérard de Cortance, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Laisse tomber les filles », un roman qui commence et qui s'attarde d'ailleurs sur l'époque yéyé. Il semble qu'il y ait deux mondes qui ne puissent pas cohabiter, les jeunes et les moins jeunes, que les jeunes de l'époque appelaient les croulants, même à 30 ans. Il y a vraiment comme ça une séparation ? Absolument. Et la séparation, ça vient de ce concert gratuit que vous avez rappelé en 63. Le lendemain du il y a quelques heures avec la police. Il faut imaginer à la place de la Nation, on attendait 5000 personnes, il y en a 150 000 qui arrivent. C'est une toute petite scène, il y a une toute petite sono, tout ça est très mal éclairé. Il y a quelques agents de police, mais c'est pas des CRS. Enfin, je veux dire, bon, il y a quelques échauffourés avec les blousons noirs de l'époque, qui sont pas très très méchants, les blousons noirs. Et on imagine les policiers avec leur képi noir, mais leur cap noir, un peu débonnaire. C'est exactement ça. Ouais. Et on part tous comme des lapins dans les stations de métro. Enfin voilà. Et le lendemain, dans la presse. Lisez la presse de l'époque, c'est un cataclysme. Des filles ont été violées, des voitures ont été brûlées. C'est une bataille rangée entre la jeunesse et la police. Il y a même un journaliste que je ne nommerai pas qui explique qu'au fond, il pose une question. Il dit, mais quelle différence peut-on faire entre les discours de Hitler au Reichstag et la musique twist ? Juste une affaire de musique. Je sais que ce journaliste-là sévissait sur une antenne. Qu'on aime bien. Il y a longtemps. On a passé cette archive un jour. Voilà. On a passé. Et comment dire, toute la presse de la gauche à la droite est contre cette jeunesse. C'est totalement monté en épingle par les journalistes, en réalité, cette histoire. Et là, je crois, il y a une vraie coupure. Il y a d'un côté la jeunesse. On oppose, de façon factice la jeunesse aux moins jeunes, et c'est vrai que vous êtes croulant à 25 ans. Et il y a toute une question de vocabulaire aussi qui joue beaucoup. Il y a des mots qui sont introduits à l'époque. Le mot croulant, passera pas l'hiver, passera pas l'automne, ça désigne tous les gens un petit peu plus âgés que vous, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 15 ans. On serait des hommes préhistoriques, nous ? Ah, totalement. Tous les deux. Totalement. Bon. Alors, quelques mois avant ce concert, même presque un an avant ce concert Place de la Nation, les Beatles enregistrent leur premier disque en octobre 62, ça s'appelle Love Me Do, et Love Me Do, et ensuite She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Alors, Yeah, Yeah, ça vient de là, de l'anglais Yeah, ou de français Ouais, enfin je sais pas, c'est Edgar Morin qui a écrit à l'époque une chronique dans Le Monde, qui baptise ses jeunes Yeah, Yeah. Oui, alors c'est quelques semaines après le concert gratuit de 63. Mmh. Au fond, Edgar Morin calme un peu le jeu. Il écrit deux articles dans Le Monde, très très intéressants, passionnants, où il dit, vous savez, au fond, les yéyés, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous le dire. Les yéyés, ça veut dire être jeune. Ouais. Et il a absolument tout compris à ce moment-là. Alors, on a parlé des dates tout à l'heure. Vous disiez, en gros, ça démarre en 63, on va dire ça, yéyé, 63, non, ça c'était avant, parce 62, que disons que Richard Anthony, Nouvelle Vague, Nouvelle Vague, c'est 59. Ah d'accord, oui. Et ça se finit donc en 66, dites-vous. Oui, c'est ça à peu près. En gros, voilà, 60, et pourquoi 66, et pourquoi cette date-là? Comme ça. Parce que la musique américaine, mais... non, la musique américaine arrive. Je crois que les groupes anglais arrivent. C'est une, comment dire, en 66, les gens qui avaient 15 ans en 60, ont 6 années plus. Ouais. Ils sont majeurs, ce sont des... C'est des croulants, ils décroulent presque. Donc on peut aimer les yéyés à 10-12 ans, mais plus à 20 ou à 21, où c'est qu'il y a un problème quand même. Alors on danse le twist à l'époque. Alors, la définition du twist que j'ai donnée tout à l'heure, je la trouve drôle, faire comme si, c'est pas de moi, mais je la trouve drôle, faire comme si on s'essuyait les fesses avec une serviette de bain tout en écrasant une cigarette avec le pied. Oui, c'est ça. Alors, ça m'amuse beaucoup, ça. Le twist, le match potatoes, enfin... Ouais, c'est sympa comme danse, le twist, ça a fédéré. C'est très drôle. Alors, la seule danse où on pouvait rester l'un contre l'autre, c'est très important dans les surprises parties, dans les booms. C'est pas le rock, c'est pas le... C'est le slow. C'est le slow. Et alors, à l'époque, il y a un slow ravageur, un slow teuton qui est chanté par Camillo, et c'est Zag Varum. Et je vous assure, je demande à vos tous vos auditeurs et vos auditrices d'aller sur Internet, d'aller regarder cette archive où on voit ce pauvre Camillo qui erre en noir et blanc dans les rues de Berlin en se posant cette question fondamentale, philosophique, Zag Varum, dit pourquoi. Et là, qu'est-ce qu'on pouvait draguer pendant ce slow? Ça, ah bah oui, alors comment font les jeunes d'aujourd'hui qu'il n'y a plus les slows? Les slows, c'était quand même le moment où on passait à l'action, alors avec plus ou moins succès, mais c'était un moment clé. Avec des luttes terribles autour de l'électrophone, ah oui. À quel moment on mettait le slow? Est-ce qu'on en mettait deux? Est-ce qu'on en mettait cinq? Quel slow mettait-on? Moi, je me souviens d'une surprise partie, la seule que j'ai pu organiser. Il manquait un disque de Sirtaki. Et donc, pour ne pas passer vraiment pour un moins que rien, la surprise partie avait à peine commencé. Je suis allé chercher le disque de Sirtaki. J'ai mis pratiquement tout l'après-midi pour le trouver. Je l'ai trouvé, je l'ai apporté, on l'a écouté. Et la boum s'est arrêtée parce que mon père rentrait. Et il a mis tout le monde dehors. Et donc, c'est le seul souvenir que j'ai de ma surprise partie, de ma première et de ma dernière surprise partie. Oh bah, une surprise partie qui se termine bien. En principe, on est viré par les parents, c'est normal. Oui. Bon, ne pas confondre Zag Varum et Procolarum. Pourtant, tous les deux, on fait des slows à Wintershed of Pale. Là-dessus, c'était comme formidable. Oui, on avait quand même 5 minutes pour agir. Oui. Pour les plus timides, c'était bien. Hein, un slow comme ça. Bon, alors, il y a eu après. Les hippies, alors eux remettent en cause la société de consommation, alors que les yéyés ne remettent pas en cause la société de consommation, nous en sommes un des éléments. Hein. Bon, les hippies, eux, ils remettent en cause. Et certains yéyés sont devenus hippies, dans le sens contraire, ça ne marche pas. Il y a un lien entre ces jeunes-là, ça reste un hippie, oui, c'est important. Oui, bien sûr, c'est la même génération. C'est-à-dire que cette génération, la génération précédente, celle de nos parents, qui pour certains étaient Zazou. Je dis souvent que les Zazou, c'est les yéyés avec la consommation en moins et les nazis en plus. Bah oui, parce que les yéyés, en fait, il n'y a plus de nazis, il n'y a plus de collaborateurs, il n'y a plus d'état de guerre, les guerres sont terminées, c'est une génération sans guerre. Une fois que la guerre d'Algérie est terminée, c'est une génération sans guerre. Mais c'est une génération qui peut consommer. D'ailleurs, tous ces produits de consommation sont absolument fabriqués pour cette classe d'âge qui existait avant, mais qui a maintenant un nom qui s'appelle les adolescents. Et les adolescents, eh bien, on va fabriquer des émissions de télévision pour eux, des émissions radio, une mode vestimentaire, certains types de boissons, une littérature. Et parce que c'est, on se dit, voilà, puisqu'ils ont, c'est la première fois où cette génération a de l'argent de poche. Ouais. C'est-à-dire, au fond, on peut demander aux parents de l'argent pour consommer. Les parents en donnent, on consomme. Oui. Mais très vite, on s'aperçoit que cette surconsommation, cette hyperconsommation, on n'en veut plus. Alors ça vient des États-Unis. Il y a un rejet de tout ça. On dit non, c'est pas bien, c'est pas normal. Faut faire autre chose. Alors on rejette tout ça et ça va donner le mouvement hippie. Alors chaque chapitre est sous-titré de paroles de chansons de ces années-là, notamment 23 février. Et là, c'est Biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Alors dans ces célébrissimes, peut-être Adamo, peut-être Franck Alamo. Peut-être une des chansons les plus marquées des années 60. On a l'impression qu'il y a tout là-dedans dans le yéyé. Franck Alamo, il est jeune, il est tout mince. Il est teenager, en même temps, sa chanson, il y a une chambre d'écho, plutôt beau garçon, il y a tout là-dedans, Il y a tout là-dedans, l'insouciance. Ce qui est intéressant de cette chanson, c'est la question du maquillage. Ouais. Il y a une chanson de la même époque, chantée par les Pirates, c'est tu te maquilles, et alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est plus biche ou ma biche, tes jolis yeux, c'est un garçon qui dit à la jeune fille, écoute, je ne te reconnais plus avec tout ce maquillage. Les paroles exactes, c'est tu confonds Nanterre avec le chemin de la guerre. Oh. Le chemin de la guerre, les Indiens et les Cowboys. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire tu te maquilles trop. Et la chanson se termine en j'aimerais retrouver la petite fille en sequette que j'ai aimée. Je ne veux pas de cette femme qui est en train de s'émanciper. En fait, c'est ça le sujet de la chanson. C'est une invente de Peter Pan. Hein. Ça, c'est des chansons qui datent des années 60, mais fin des années 60, les jeunes filles et les femmes vont s'émanciper. La pilule, les manifestations, le féminisme, et c'est elles qui vont faire bouger la société. C'est elles qui vont faire bouger la société de cette époque. Merci infiniment Gérard de Cortance et bravo aussi pour ce clin d'œil à qui vous savez, page 215, titre du chapitre With a little help from my friends. Évidemment, chanson des Beatles, Sgt Pepper's, 1967. Post-yé-yé. Au revoir, à bientôt. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Salut les yéyés, une fiction écrite par Jean-Pierre Tiercelin, réalisée par Benjamin Habitant et Étienne Bertin. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Victoria Asper.